est-ce que à quelqu'un qui voudrait s'installer aujourd'hui, quelqu'un qui voudrait s'installer, vous lui donneriez quoi comme conseil? Je lui demanderai d'abord s'il aime ça. S'il aime ce genre de travail. Ouais. C'est ça, parce qu'il faut aimer. Ouais, Et quand on c'est le aime un truc, truc, le on premier. supporte aussi les inconvénients Ouais. avec. Mais s'il aime pas, c'est pas la peine. Alors, c'est ça, d'abord.